Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée au Portugal à l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution des œillets. Demain, le documentaire d'Elsa Cornevin et Anne Fleury portera sur ces capitaines d'avril qui firent en 1974 la Révolution et en mettant fin au régime de l'État nouveau. Mercredi, nous nous promènerons dans le Lisbonne de la résistance à la dictature salazariste avec entre autres l'historienne Irène Pimentel. Jeudi, nous diffuserons un entretien exclusif de l'ancien Premier ministre et président de la République portugaise Mário Soares, recueilli par Elsa Cornevin, Anne Fleury et Jorge Tô il y a un peu plus de deux mois à Lisbonne. Un entretien qui sera commenté ensuite par l'historien du Portugal Yves Léonard. Et aujourd'hui, me direz-vous, aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir un très grand acteur et metteur en scène portugais, Luís Miguel Sintra, cofondateur en 1973 du Teatro de Cornucopia qui précéda avec d'autres institutions théâtrales la Révolution portugaise de 1974. Avec lui, qui est aussi un des acteurs fétiches du cinéaste Manuel de Oliveira, nous allons revenir sur ce moment particulier qui vit le théâtre, universitaire ou amateur, prendre en charge, au début des années 70, les aspirations démocratiques du Portugal. Un Portugal miné par les guerres coloniales et le délitement des institutions mises en place par Salazar. Bonjour Luís Miguel Sintra. Bonjour. Et merci d'être avec nous depuis les studios de la RTP à Lisbonne, que nous remercions de vous accueillir dans leur studio. Alors, je l'ai dit, vous êtes acteur, metteur en scène. Vous êtes né en 1949 et vous aviez 25 ans au moment de la Révolution des œillets. Mais nous allons peut-être parler, puisque cette émission est l'émission d'ouverture de notre semaine consacrée à ce 40e anniversaire de la Révolution des œillets, de ce qui a précédé, c'est-à-dire ces années qui précédèrent justement cette révolution, et en particulier dans le domaine du théâtre. Est-ce que vous vous souvenez de ces années qui courent, mettons, du milieu des années 60 à 1974, quand vous commencez à vous intéresser à ce théâtre et que vous allez en faire votre métier? Quel est l'état du théâtre au Portugal, disons, entre 1960-65 et 1970, est-ce que c'est un théâtre qui est sinistré? Est-ce que c'est un théâtre qui tente de combattre, non seulement pour sa survie, mais également pour défendre une certaine vision de la société, Luís Miguel Sintra? Ce que je me souviens très bien, et était très important pour ma vie après, c'est ce qu'on a vécu justement au moment où on était à l'université. Mmh. À l'université, il y a eu des mouvements d'étudiants, de révolte d'étudiants. C'était en 62 et en 68 aussi. Et en 62, je n'étais pas encore à l'université, mais j'ai beaucoup suivi ce qui se passait parce que mon père, qui s'appelait Lindley Sintra, était professeur à l'université et a beaucoup accompagné, pris la part des étudiants devant la police, etc. Et c'est là que j'ai connu une série de gens qui après ont été très importants, qui étaient, disons, les leaders de mouvements universitaires, comme par exemple Jorge Sampaio, qui après, beaucoup plus tard, a été président de la République. Donc j'ai déjà connu ces gens-là à l'université, et l'université, d'une certaine façon, était un centre de révolte, quoi, de résistance culturelle et politique, parce que pour nous, c'était tout mélangé. Et justement, le champ culturel, c'était le champ où c'était plus facile de tricher, parce que même la police politique était un peu bête et pas cultivée du tout. Donc, c'était plutôt possible de faire des choses qu'on considérait très importantes. Et maintenant, je sais que c'était important, c'est-à-dire commencer à miner la conscience des gens, leur référence culturelle, etc. On était très isolés par rapport à ce qui se faisait dans le reste du monde, mais quand même, à travers la France, justement, beaucoup de choses arrivaient. On étudiait le français au lycée, comme langue, deuxième langue obligatoire. Donc, on lisait les journaux qui ont réussi à faire arriver ici. Et on fonctionnait beaucoup comme un groupe à l'université. Il y avait un groupe universitaire le groupe de la faculté de lettres, où je suis entré comme élève, et c'est là que j'ai fait ma première mise en scène. Mais c'est drôle parce que c'est quelque chose qui a à voir avec la France aussi. Ah oui? Oui, parce que nous, on entendait ce qui se passait en 68 en France. Donc, notre groupe, c'est-à-dire un tas de gens qui étaient toujours au bar plutôt qu'à la salle de classe à l'université, mais qu'on parlait beaucoup les uns avec les autres, surtout, on a décidé d'aller au Festival d'Avignon l'été 68. C'est pas vrai, celui, le fameux festival donc dans lequel on criait à la fois Villard, Béjart, Salazar, en l'occurrence, c'était ça. Oui, exactement. Donc j'ai assisté à tout ça. On est arrivé un peu tard, c'est-à-dire les spectacles étaient déjà presque tous finis, le living était déjà parti. Mais j'ai beaucoup participé à des tas de discussions sur le cinéma et une contestation interne du festival lui-même. Nous, on avait Villard comme un héros, quoi. Bah, vous étiez très influencé, d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant certains articles sur ce sujet, Luis Miguel Sintra, tous, vous étiez très influencé par la revue Théâtre Populaire, en particulier Oui, Bernard oui, oui. Dorte et des auteurs qui théorisaient justement ce que devait être le théâtre populaire, j'imagine. Oui, bien sûr. Et pour nous, c'était des références absolues. Donc, c'était une chose qui nous a beaucoup secoué, ce qu'on a vécu pendant cet été. Et à la fin du festival, on a fait un tour, ce groupe, ensemble, dans le sud de la France. Pourquoi? C'est drôle de savoir. Pour visiter les musées, surtout les musées par rapport à qui avaient du rapport avec l'impressionnisme, qui sont dans le sud de la France, dans la Côte d'Azur. Donc, Le musée on avait Matisse. des intérêts beaucoup très très différents, hein, ce qui ne se passe plus maintenant, et je regrette. Mais bref, donc j'ai décidé de me séparer du groupe et d'aller à Paris pour chercher une école. Et je remercierai toujours quelqu'un qu'après j'ai jamais plus revu pendant des années et des années, un metteur en scène français, Jean-Louis Tamin, qui c'était ses tout débuts avec une petite troupe, mais il jouait, c'était presque le seul théâtre qu'il jouait à Paris, un Goldoni, je crois. Il m'a reçu, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, mais ne reste pas à Paris. Si tu as la possibilité de faire du théâtre au Portugal, à l'université, ou avec tes amis, fais-le n'importe comment. Ce qu'il faut, c'est faire et lire beaucoup de pièces et avoir une façon de commencer. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce qui a été l'embryon de Théâtre Cornucopia à l'université, suivant le conseil de Jean-Louis Tamin, qui a été un très bon conseil. Oui, donc il aurait pu vous garder pour lui et vous seriez resté en France d'une certaine façon, mais il vous a conseillé de repartir dans ce Portugal pour faire votre travail. Alors il faut peut-être préciser, Luis Miguel Sintra, qu'à l'époque, il y avait différents types de théâtre qui se tenaient au Portugal, qui avaient le théâtre national d'un Mais côté. je voulais parler de ça, parce que il y a eu, disons, deux grands mouvements, je parle de moi, pour arriver au théâtre universitaire, c'est-à-dire pas seulement à Lisbonne et pas seulement à la faculté des lettres où j'étais, mais aussi à Coimbra. Le théâtre universitaire a commencé à bouger et à créer une alternative au théâtre qui était très décadent, ou presque tout, pas tout, parce que le théâtre national parfois avait des choses intéressantes, mais quand même, il y avait le théâtre national, le théâtre commercial, le théâtre de revue, mais presque rien de plus. Et donc le théâtre universitaire fonctionnait comme une vraie alternative. La nouveauté de la mise en scène, qui a une importance très grande, théâtre universitaire, pour faire connaître aux gens ce que c'est qu'un metteur en scène et qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à un texte, par exemple. Et après, il y a eu une autre chose très parallèle dans la profession, dans les professionnels, qui était le mouvement du théâtre indépendant. Plusieurs troupes sont nées à cette époque-là, comme des coopératives d'artistes, c'est-à-dire d'acteurs et de metteurs en scène. Et ce qu'ils voulaient, c'est ne pas avoir de patron. On veut faire le théâtre qu'on veut, le répertoire qu'on veut, avec les horaires de travail qu'on veut, etc. Ils ont commencé à trouver des lieux de présentation des spectacles, et ça a créé tout un mouvement où je me suis intégré avec mon collègue de direction de troupe au début de la troupe avec Georges Sivemerle. On s'est intégré dans ce mouvement en 73 parce que nous tous, on faisait un travail qui était en même temps un travail politique, avec une conscience politique très grande et une solidarité du public aussi politique, culturelle et politique, mais le public était un public militant aussi. Je parle d'une élite assez limitée, mais c'est quand même les gens qui étaient actifs culturellement dans les villes principales. Et donc, alors, il y avait par exemple le TEUC de Coimbra, je crois, le CITAC aussi à Coimbra. Par exemple, le CITAC. Il y avait le groupe scénique de la faculté de droit à Lisbonne, il y avait votre groupe de la faculté des lettres, mais il y avait aussi des théâtres comme le Théâtre moderne de Lisbonne, de Fernando Guzmán, ou encore des théâtres amateurs, le groupe de théâtre de Campolide de Joaquim Benité, par exemple. Tout ça, ça participait à une sorte de quoi de bouillonnement, pourrait-on dire, culturel, dans des petits milieux, mais très actifs. En l'occurrence, oui, mais quand je me souviens, par exemple, que ma première mise en scène au théâtre universitaire a eu des pages et des pages de critiques et de références dans les journaux. Le rapport entre la culture et les médias et tout ça était une chose beaucoup plus forte que plus tard. Parce que poussé par cette sorte de militance commune, quoi. Quand vous dites militance, c'était quoi? Parce qu'on imagine un régime salazariste finissant, remplacé par ce que certains ont appelé le printemps de Caetano, donc le successeur de Salazar en 1968, Marcelo Caetano. Donc on imagine un régime dictatorial, dur, avec une police politique, on en parlera mercredi, mais aussi une censure. Alors comment tout cela était-il possible dans cet état-là de créer, de développer une pensée qui quand même était très influencée par le marxisme, par exemple, ou Luis Miguel Sintra à ce moment-là? Oui, la censure était quelque chose de très important pour nous unir aussi, parce que tout le monde était contre la censure, évidemment. On essayait d'échapper, par exemple, en faisant des mises en scène d'auteurs classiques qui, apparemment, à la lecture, n'avaient rien de révolutionnaire. C'est comme ça que vous montez Molière ou qu'on monte Marivaux, par exemple. Exactement. Donc on pensait... Mais on fait un travail d'éducation du public, et un travail... de conscience historique. Donc, on pensait que c'est très important d'avoir une conscience historique devant les textes et devant les spectacles. Donc, nos spectacles vont faire une contribution à ça et vont éduquer. Ça, c'était un autre drapeau pour le théâtre très spécifique. C'était, ils vont éduquer les spectateurs pour comprendre que nous, on pense. C'est-à-dire, la mise en scène, c'est une pensée sur le texte. Donc, c'est une chose... active, c'est une opinion, disons, des artistes. Ça va à l'encontre de ce que certains ont appelé, justement, cette action, ce qu'on a appelé l'asphyxie du théâtre sous le salazarisme, c'est-à-dire une impression, effectivement, que, à part quelques petits îlots, eh bien, il était impossible, justement, de s'exprimer ou de développer une pensée théâtrale structurée et nouvelle. Je vous dis que c'était... presque au contraire de ce que vous disiez, il y a eu des moments magnifiques. Oui, c'est ça. Et plus jamais on a eu cette énergie et cette joie de jouer et cette importance du spectacle dans la vie de la ville. Je me souviens d'avoir vu, par exemple, avant le 25 avril, une mise en scène de Victor Garcia de Bonne, de Genet. Qui était un Argentin, c'est ça, Victor Garcia? Exactement, très très génial, un metteur en scène génial, qui m'a beaucoup influencé. Je l'ai vu à cette époque-là, avant le 25 avril. Une actrice qui après a commencé avec nous, une très grande actrice, Glycine Colting, a commencé avec nous, c'est-à-dire, elle nous a aidés à démarrer. Elle a joué au Les Beaux Jours de Beckett. Ces choses étaient des choses qui n'étaient pas... La police ne comprenait pas qu'est-ce que ça avait à voir avec la politique. Et ça a été fondamental pour nous tous, cette énergie. Et après le 25 avril, tout la nuit du 25 avril ou les jours qui suivaient, tout le vieux théâtre est tombé. C'est-à-dire le Théâtre National a fermé, le théâtre de revue est fini aussi. Donc il y a eu un vide, mais qui a duré très peu de temps, parce que nous, on était prêts. Donc, je me souviens très bien que le lendemain du 25 avril, on a eu une réunion dans notre troupe pour décider si on continuait à faire la mise en scène de la pièce qu'on allait jouer, que c'était une pièce de Lope Ouais. de Vega, ou si on changeait de répertoire. Et vous avez changé de répertoire, vous êtes passé à Brecht, c'est ça? Exactement. Et on a tout de suite commencé à répéter un Brecht. C'était Grand-peur et misère du Troisième Reich. Et on a fait la première en juillet, je crois. Oui, donc improvisé dans l'élan, pourrait-on dire, de la Révolution. Oui. Et alors, il faut dire tout de même que vous aviez commencé un peu plus tôt en faisant des théâtres, des pièces, en l'occurrence Louis Miguel Sintra, qui avaient été considérées comme des pièces révolutionnaires. Je crois que c'était Amphitryon en particulier, au théâtre Vasco Santana, qui était votre Ça, c'était un spectacle universitaire. C'était universitaire. ma première Universitaire. mise en scène. Oui, et qui avait beaucoup bousculé ce qu'il avait vu, d'une certaine façon. Ça avait été considéré comme un moment important aussi du renouvellement du langage théâtral avant la révolution des œillets. Mais maintenant, si on raconte ça à un membre d'un groupe universitaire, ils ne vont pas nous croire, parce que c'était ma première mise en scène, fait avec d'autres étudiants, et soudain, des pages et des pages de journal. Comme nous saluons comme un grand événement culturel, etc. Donc, Alors, ça, c'est. il faut peut-être préciser, Luis Miguel Sintra, à ce moment-là, le rôle que joue une fondation particulière, Ah, vous avez raison. la fondation Gulbenkian, donc du nom de ce milliardaire qui avait fait fortune dans le pétrole et qui, pour remercier le Portugal de l'avoir accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale, a monté une fondation culturelle qui a joué un rôle de ministère de la culture qui n'existait pas pendant ces années-là. C'est grâce à cette fondation Gulbenkian que vous partez, après le succès d'Amphitryon, justement, en Angleterre avec votre compagnon Jorge Silvio Melo à l'époque, qui part lui dans un autre endroit d'Angleterre. Et vous avez une bourse de la Fondation Gulbenkian pour vous former à l'Olvik de Bristol, c'est cela? Oui, mais les gens de ma génération, tous les artistes dans les différents champs, ils ont été tous appuyés par la Fondation Gulbenkian. La Fondation a eu un rôle d'alternative à la politique culturelle officielle, très, très, très important. Et donc, elle nous a subventionné le premier spectacle avant le 25 avril. Elle a donné des bourses à beaucoup de gens des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cinéma, etc. Donc c'était un vrai ministère de la culture, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que dans une dictature, vous avez su jouer à la fois avec une censure dont vous dites qu'elle n'était pas très intelligente, en l'occurrence, même si elle était très présente partout, mais aussi avec les marges. C'est-à-dire que grâce à cette fondation Gulbenkian, il y avait des marges d'action qui, dans ce régime très contrôlé, vous ont permis d'une certaine façon de développer votre langage propre, Luis Miguel Oui, Sintra. par exemple, il y avait des séances de musique populaire de gauche, genre Zeca Afonso, que tout le monde connaît, qui allait chanter dans des coopératives, par exemple, du côté de l'autre côté du Tage, devant Lisbonne, qui était très très politisé, un des endroits plus politisés du Portugal, parce qu'il y avait des usines et beaucoup d'ouvriers. L'influence du Parti communiste était énorme. Parfois, il y avait des coopératives ou des associations populaires qui faisaient une soirée qui finissait toujours par la police qui arrivait. Il fallait partir. Mais avant que la police arrive, il y avait Zeca Afonso qui chantait comme le grand événement de la nuit. Mais la première partie du spectacle était, on disait, de la poésie. Qui est-ce qui nous dirigeait pour dire la poésie? Un poète de cette génération-là, Gaston Cruche, qui était aussi engagé à faire une nouvelle façon de lire la poésie, qui n'était pas pour se servir, disons, l'acteur se servir de la poésie pour se montrer du tout. C'était une chose d'une rigueur énorme dans l'analyse du littéraire des poèmes et qui avait pour but être complètement juste, transmettre de la façon la plus claire et simple ce qui était écrit sur le papier. Par exemple, une chose comme ça, c'est-à-dire très petite, c'est comment dire un poème. C'est une chose qui forme une mentalité. Parce qu'après, cette génération de ces gens qui ont travaillé avec lui, qui ont fait ces récitals de poésie, ont eu en même temps d'affronter la police, entendre Zeca Afonso, qui est devenu la musique nationale du 25 avril après, et en même temps faire l'analyse littéraire la moins démagogique du monde. Et quand on a jouer le grand père émissaire du Troisième Reich après la Révolution. On a été très maltraité par, surtout par les secteurs plus proches du PC et par le PC lui-même, parce que ce qui a été, disons, le mot d'ordre des politiques, les politiques de gauche, a été il faut que le théâtre et le cinéma et tous les arts fêtent la révolution, fassent la fête de la révolution. Il y a même il y a eu des chansons nouvelles. De la revue, un nouveau théâtre de revue de gauche est né exactement de la même façon, mais en changeant, disons, la lettre de ce qu'on chante, les mots, mais c'était exactement le même procédé. Et nous, on a été très censurés parce qu'on faisait une chose triste et parce qu'on parlait du fascisme allemand et pas du fascisme portugais. Je me souviens, évidemment, la chose était très confuse et complexe parce que les militaires, dans le mouvement des militaires, il y avait aussi beaucoup de différences entre les différents capitaines d'avril. Exactement. Donc, appuyé par une partie du MFIA, on s'est intégré dans les campagnes de dynamisation, comme on appelait. Alors ça, il faut peut-être s'arrêter sur ces campagnes de dynamisation immédiatement après la révolution des œillets, parce que c'est une sorte de moment, disons, d'enthousiasme révolutionnaire, de volonté d'aller au plus profond du Portugal pour pouvoir porter la parole de la culture, justement, de cette nouvelle culture qui avait été bridée sous la dictature. C'était quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous décrire ces moments de campagne de dynamisation, justement, Luís Miguel Sintra? On avait très conscience qu'il y avait une différence culturelle gigantesque entre l'intérieur du pays et la province portugaise et les villes, les grandes villes, surtout Lisbonne, Porto et Coimbra. Et donc, le MFA avait adopté cette position de faire l'alphabétisation, c'est-à-dire d'apprendre à lire et aussi d'emmener aux villages les plus lointains les spectacles de théâtre. Ce qui était une chose faite avec très peu de critères et sans aucun critère scientifique, certainement, tout à fait généreuse, ce qui était magnifique, mais un peu, peut-être plus intéressante pour nous qui la faisions que pour ceux qui la recevaient. Mais pas toujours. Parce que un certain secteur du MFA a décidé de nous faire voyager avec le grand père misère du Troisième Reich. Et il y a eu des réactions, comme par exemple des gens qui disaient « Mais c'est comme ici, des gens qui n'avaient jamais allé au théâtre et qui venaient nous voir avec les petits-enfants, qui faisaient du bruit pendant le spectacle, tout ça. » Dans une atmosphère inoubliable, d'ailleurs. C'était quoi les références que vous aviez en tête quand vous faisiez cela? Parce que tout compte fait, ce que vous décrivez pourrait ressembler, même si ça n'est pas la même chose, à ce qu'ont fait, par exemple, les pionniers de la décentralisation théâtrale, et Villars en faisait partie, après la Seconde Guerre mondiale en France, c'est-à-dire le Théâtre national de Strasbourg, cette idée qu'il fallait non seulement aller dans les villes et être dans les villes, mais aussi aller très loin dans la campagne avec les comédiens routiers, comme on disait dans ces années-là, dans les années 50 en France. On était influencés de très loin, mais d'une des années immédiatement après le 25 avril, on a décidé de passer par Lyon pour parler avec Planchon. Ah oui. Parce que Planchon était un exemple pour nous d'un théâtre qui se préoccupait de faire, disons, l'animation culturelle en même temps, qui était un théâtre de gauche, quoi. Pour nous, c'était tout simplement ça. Et on a parlé tout un après-midi avec lui. Et c'était très stimulant pour nous. À cette époque-là, il nous avait reçus avec un soin spécial. J'allais en France très souvent. Et j'avais vu un spectacle de la troupe de Jean-Pierre Vincent et Jean Jourdeil à Paris. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, on parlait avec Georges Sivermer. Le Théâtre de l'Espérance, à l'époque. Le Théâtre de l'Espérance, exactement. Où beaucoup de gens très importants et très bons acteurs et tout ça ont travaillé. Et une femme qui, après, a travaillé avec nous beaucoup, qui travaillait comme, je crois, costumière ou décorateur, Christine Laurent, qui était dans la troupe aussi. Donc, ça nous a servi un peu de modèle aussi. Et on a décidé d'inviter Jean-Pierre Vincent de venir à Lisbonne pour nous diriger la troupe. Il a été très honnête, il a dit, moi, j'ai pas envie d'y aller, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais mon ami Jean Jourdain est prêt à partir. Donc, Jourdain est venu travailler avec nous et il a eu cette attitude formidable. C'est-à-dire, il a dit, je veux bien que vous fassiez une pièce écrite par moi, mais je ne vais pas diriger le spectacle. Je vais être présent et discuter avec vous toute la mise en scène. Ça a été une école formidable parce que, en même temps, et maintenant je saute un peu plus en avant, ce qui se passait dans les théâtres, même ceux qui n'étaient pas en train de faire la dynamisation culturelle du MFI1, c'était une vie énorme. Et c'est un peu autour des théâtres, parce que c'était des lieux de rencontre publique qui existaient à sa façon déjà, que beaucoup de choses se sont passées. Vous avez dit dans d'autres interviews, Luis Miguel Sintra, que selon vous, aucune autre manifestation artistique n'avait réagi aussi rapidement que le théâtre à cet esprit révolutionnaire. C'est vrai, c'est-à-dire parce qu'on était déjà en train de faire. Le cinéma, c'est beaucoup plus difficile parce que le cinéma, d'un côté, c'est plus individualiste, plus privé, comme art, c'est pas souvent, c'est pas, il n'y a pas le rapport immédiat avec le public. Et cette éphémérité que le théâtre a comme caractéristique. Mais donc, le théâtre a immédiatement fait des choses et a répondu tout de suite avec un nouveau répertoire et un nouveau rapport avec le public, ce qui est une chose très importante. Est-ce que vous pouvez décrire justement ce nouveau rapport qui rompait avec des années d'asphyxie théâtrale des années 50 ou des années du début des années 60. Qu'est-ce que c'était cette ambiance? Parce que le théâtre, malheureusement, souvent, on n'a pas de captation, donc on ne peut pas se rendre compte, quand on n'a pas vécu soi-même ce moment-là, ce qu'il y avait de si particulier dans ce que vous décrivez, Luis Miguel Sintra. C'est que nous, on pensait et on disait, maintenant quand je dis nous, je commence à faire des nuances, parce que c'était pas les choses qu'on commençait assez vite à se diviser par partis politiques et tendances politiques. Il y a eu des choses pas tellement agréables de ce côté-là. Mais nous, Kronokopi et quelques autres groupes, nous disions, mais il faut transformer ce qu'on est en train de vivre et transformer et vivre en révolution. C'est-à-dire, après tout, nous, on s'est réveillé un jour et il y avait eu la révolution, on était en train de se passer, mais une révolution à laquelle nous n'avons pas participé. Donc soudain, tout avait changé. Je me souviens la veille, je me perds, mais je ne résiste pas. La veille du 25 avril, il y a eu une Traviata qui est chantée par John Sutherland, une des salles plus populaires de Lisbonne, et quelqu'un a passé dans un couloir dans l'entracte. Pendant l'entracte, il m'a dit, c'est ce soir. J'ai dit, mais ce soir, quoi? Ça m'émeut même de penser à ça, parce que on était complètement inconscient. Et soudain, le matin suivant, un cousin à moi m'appelle, j'habitais très proche du Carmo. Et de l'endroit même de la rue où il y a eu les peu de morts les peu de gens qui sont morts ce jour-là. Et j'entends un cousin qui m'appelait, ouvre la radio. Et j'ai ouvert la radio, on disait, il y avait quelqu'un qui disait, c'est le mouvement des forces armées, on vous demande de rester chez vous parce que pour faciliter les opérations militaires et tout ça. Nous, ce qu'on a fait, moi et la personne qui habitait avec moi, c'est-à-dire, mais on ne va pas rester ici, enfermé dans la maison, on va voir ce qui se passe. Donc, on est parti dans la rue et c'est un peu comme ça. Et donc, après, à la suite de ça, on a décidé de vivre en révolution et de faire une révolution Permanente. permanente. Donc, dans beaucoup de secteurs, on avait un espace. On a réussi à avoir un espace, c'est différent de ça. Et plusieurs autres troupes ont occupé leurs espaces. Et où se passaient des réunions de professeurs qui étaient en train de faire un mouvement contre l'école capitaliste, une coopérative de cinéma qui faisait beaucoup de documentaires sur ce qui se passait à cette époque. On faisait un débat quotidien avec les spectateurs et on essayait de convaincre les spectateurs qu'ils étaient nos camarades, c'est-à-dire eux, ils travaillaient dans leur secteur au un renouvellement des consciences du pays et nous, on travaillait au théâtre. Donc, on les convoquait pour discuter avec nous notre travail. Et donc, on faisait un débat à la fin et les gens restaient et c'était plein tous les jours. On a l'impression, tel que vous le décrivez, d'une agitation permanente et surtout d'une envie de rattraper le temps perdu. C'est-à-dire que ce temps de la dictature était un temps où on ne pouvait pas créer librement, comme vous le racontiez. On tentait de contourner la censure. J'ai lu quelque part que on a créé entre 74 et 79, entre la révolution des œillets et 5 ans plus tard, 21 fois Brecht, par exemple. Vous l'avez fait le premier avec Grand-peur et misère du Troisième Reich dès juillet 74 avec le théâtre de Cornucopia, mais qu'ensuite, comme on n'avait pas la possibilité de monter du Brecht généralement, eh bien on a voulu rattraper le temps. On a voulu monter Peter Weiss, par exemple, et le chant du fantoche lusitanien, qui était une critique de Salazar et de sa politique coloniale. En gros, on a rattrapé tous les auteurs qu'on ne pouvait pas monter d'une certaine façon. Mais là, il y a eu beaucoup de confusion. Je me souviens que, déjà assez tard, je me souviens pas exactement l'année, mais c'était à la fin déjà des années 70 ou même début de. Oui, ou de début des années 80. 80, qu'on a fait. Parce qu'on n'avait jamais payé d'impôts. C'était tout complètement sauvage. Donc, quand la société portugaise a commencé à se réorganiser, à se normaliser, ce qui était le deuil profond pour nous, on avait une dette à l'État énorme. Et donc, on a décidé de faire une pièce qui pouvait avoir un peu de succès. Et on a fait un auteur, maintenant prix Nobel et tout ça, une pièce de Dario Fo qui s'appelait Non si paga, non si paga. Et j'ai été maudit par les journaux, le public pendant des années et des années, parce que j'ai osé dire dans une interview que j'en avais marre et que je détestais cette pièce-là et que je ne pouvais pas vivre avec ce rapport avec le public. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Dario Fo écrivait selon le schéma du théâtre boulevard, il changeait l'idéologie, mais il ne changeait pas la forme. Donc la forme était une forme réactionnaire qui provoquait un rapport avec le public qui était réactionnaire, parce que le public riait automatiquement, provoqué par tous ces procédés qui sont plus que connus, etc., qui viennent de Feydeau et de ces gens-là qui ont fait le théâtre boulevard, très bien d'ailleurs, mais qui étaient utilisés par Dario Fo dans une pièce qui incitait, disons, au vol des supermarchés. Et je voyais le public complètement idiot, sans penser 2 secondes, avec une pièce qui était une pièce en principe révolutionnaire. Ça, c'était des choses qui m'ont fait beaucoup de mal et qui après sont commencées à surgir un peu plus tard, quoi. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, l'enthousiasme de la Révolution a été rapidement douché par le réalisme des positions de chacun, lié à des partis politiques, lié à des engagements personnels, et qu'au bout du compte, ce moment un peu fusionnel ne pouvait pas durer longtemps. Oui, mais dans le théâtre, vraiment, il y a un moment très important. C'est un moment où les troupes ont commencé à être subventionnées par l'État, ce qui n'avait jamais existé, et subventionnées d'une façon très bizarre et formidable. Le premier secrétaire d'État de l'éducation, qui se chargeait de la culture aussi, était un homme magnifique, João de Freitas Branco, d'ailleurs de la famille de compositeurs. Freitas Branco, qui est du chef d'orchestre qui est assez connu à l'étranger. Mais lui, ce qu'il a décidé, c'est de réunir toutes les troupes du théâtre indépendant autour d'une table et demander à chacun ce qu'ils avaient besoin pour continuer à travailler. Ça, c'est la seule fois où ça s'est passé. Et j'ai senti soudain tous les gens qui commençaient à mentir. Ah. Parce que tout le monde voulait l'argent. Et l'argent, on sait que c'est ce poison terrible. Ça a commencé à diviser les gens. Après, les rapports avec l'État ont commencé à s'organiser dans une association des troupes indépendantes. Ce qui s'est passé dans ces réunions, c'est très triste parce que les gens ont commencé à créer des jalousies, des choses moins. Et puis on a reconstruit le théâtre national Et ça, à c'est où grand je coup voulais d'argent. arriver. Et je me souviens très bien d'une réunion qu'il y a eu avec le MFA et avec plusieurs directeurs de troupes, où ils nous demandaient qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au théâtre. Parce que Alors, il faut dire que pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, ce théâtre avait brûlé au milieu des années 60, qu'il avait été déménagé dans un autre endroit au théâtre Avenida, qui lui-même avait aussi brûlé, et que donc une des questions qui se posait, c'était est-ce qu'il faut reconstruire ou pas le théâtre national et comment? le Théâtre National, c'était une troupe privée qui était adoptée comme concessionnaire du Théâtre National, et qui étaient des gens très civilisé, cultivé, etc. Amalia Rey Amalia Coccolasso Reclas, oui. et Roble Donc, Monteiro. on avait un respect grand par rapport à eux artistiquement. Donc, ils ont été éprouvés et ils ont eu la sensibilité eux-mêmes de ne pas essayer de pousser en avant. Et ils ont pensé, notre temps est fini. Mais ce qui était intéressant, c'est que les militaires nous demandaient à nous, aux gens du théâtre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, les gens se sont partagés, et un certain côté des gens du théâtre voulait un nouveau théâtre national à l'image du théâtre national des pays socialistes. Donc un grand théâtre d'État, etc. Comme tous les gens intéressants du théâtre travaillaient aux troupes indépendantes, ce qu'on a fait, c'est un théâtre national avec les restes. Et les restes de quoi? Les gens plus âgés qui avaient travaillé du côté de la droite, collaboré avec l'Ancien Régime, mêlés à des stars du Parti communiste. Donc c'était le plus étrange mélange qu'on puisse imaginer. Et la grande partie de l'argent de l'État qui allait vers les troupes indépendantes, parce que c'était ce qui existait immédiatement après le 25 avril, a été, une grande partie de cet argent, déjà mis de côté pour les théâtres nationaux qui avaient besoin de gros salaires, spectacles chers, une organisation avec tous les postes de travail nécessaires, le souffleur, l'assistant, je ne sais pas de quoi, etc. Et pas les structures souples que nous on avait. Vous avez l'impression qu'à ce moment-là, le gouvernement justement militaire de la Révolution a laissé passer une chance vis-à-vis du théâtre indépendant? Absolument, absolument. Ça, c'est une erreur très, très grave. Parce que on changeait ce qui était des troupes nées de la création théâtre artistique par une troupe officielle d'État commandée par la structure théorique inventée dans un bureau par des gens qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on faisait. Donc c'était le début de toutes les difficultés qui ont suivi après, parce que tout le théâtre indépendant a commencé à avoir peu d'argent, et le théâtre d'État était plus important. Et comme l'État, de notre point de vue, nous a échappé complètement, c'est-à-dire s'est normalisé comme jusqu'à la catastrophe qu'on vit en ce moment, nous, on a perdu pas l'importance auprès du public, parce qu'on a continué à avoir un public qui était un public qui nous aimait beaucoup. Mais quand même, il y a eu un grand retour à la maison, comme ça, une époque de deuil. C'était les années 80. 80, oui. Vous avez l'impression qu'en fait, c'est le théâtre que vous aviez combattu, un certain théâtre, disons, un peu engoncé dans ses certitudes, et puis aussi un théâtre de revue que vous n'aimiez pas, par exemple, qui a fini par le réemporter dans ces années-là, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'était la norme qui l'emportait sur le désordre que vous souhaitiez, Luis Miguel Sintra. C'était une déception très grande de la part des gens qui étaient de notre public, qui ont décidé de rentrer à la maison et d'entrer dans la consommation normale, culturelle, mais sans joie, quoi. Et pour nous, c'était aussi, après le moment d'une entente avec le public si grande, c'était la séparation totale. Je me souviens de jouer, de faire la mise en scène et de jouer Mauser de Rainer Müller tous les soirs pour 8 personnes, 11 personnes. Mais on a continué quand même. Et je crois que ça a valu la peine parce que certains des gens qui ont continué, qui ont été des acteurs et qui ont fait, ont continué dans le théâtre, c'était des gens qui ont, parce qu'ils ont aimé tellement ces spectacles où ils étaient avec 7 autres spectateurs et une salle froide, on pensait que c'était la chose la plus merveilleuse du monde, le théâtre. C'est à ce moment-là où vous et d'autres, vous montez des auteurs, et pas simplement Brecht, des auteurs allemands, parce qu'on n'a pas parlé de cette matrice allemande du théâtre que vous avez défendu les uns ou les autres. Vous avez cité Rainer Müller, mais Botho Strauss aussi. Vous montez les uns ou les autres Karl Valentin, Büchner, Odon von Horvath, tout un tas d'auteurs. C'était un peu Jourdain qui nous a poussés dans ce sens-là. On a beaucoup appris avec lui. Et on n'a pas perdu contact avec lui. Et lui, il est tellement attaché aux Allemands qu'il nous influençait beaucoup. Le spectacle Karl Valentin, c'était un succès énorme. Et c'est lui qui nous a mis Valentin dans les mains. Et Rainer Müller, la même chose. Après, on est allé avec la troupe, avec La Mission, qui a été un spectacle un peu emblématique de notre parcours. On est allé à Venise, à la Biennale de Venise, où lui, Rainer Müller, était présent. Et je me souviens qu'à la fin du spectacle, il est venu m'embrasser. Il m'a dit, il faut porter ce spectacle dans les pays de l'Est, parce que seulement les pays de l'Est peuvent comprendre les catholiques. ou les catholiques comprendre le public de l'Est. Je n'ai jamais oublié ça, parce que moi, je pensais que c'était un spectacle marxiste. Qu'est-ce que ça fait aussi, parce qu'on sent, non pas une amertume, mais disons un petit peu de désespoir chez vous de ne pas avoir vu advenir ce que vous espériez comme type de théâtre et une sorte de normalisation reprendre le dessus, d'avoir été pendant un certain temps, ce qui était le cas aussi d'autres pays méditerranéens comme l'Espagne voisine ou la Grèce après la chute des colonels, un peu au centre du monde d'une certaine façon. C'est-à-dire que le regard porté sur vous était un regard du reste de l'Europe en particulier, extrêmement bienveillant. Vous aviez réussi sans faire couler le sang à faire chuter un régime dictatorial. Et donc au bout du compte, il y avait cette dimension très intéressée par ce qui se passait au Portugal. Est-ce que vous avez ressenti cela justement, Luis Miguel Sintra? On était trop occupé pour se préoccuper de ça. Mais on a eu tort parce que maintenant je me sens presque humilié par certains de ces regards par rapport au Portugal. C'était comme la distraction, quoi. On nous regardait comme si on était des gens bizarres, très naïfs, très émouvants, qui croyaient des choses complètement utopiques et impossibles, comme si on ne savait rien. Ouais. Mais nous, on ne vivait pas comme ça. Ça a coïncidé avec notre jeunesse et on a cru vraiment qu'on pouvait changer le monde. Et donc, vous ne l'avez pas finalement changé, ce monde, mais néanmoins, vous êtes resté, toute cette génération, sur le devant de la scène, même quand vous vous séparez avec votre camarade Georges Silva Melo qui s'en va en 1979. Tous ces gens-là, tous les gens qui ont participé de ce théâtre universitaire dont on parle depuis le début de cette émission, du théâtre amateur, de tous ceux qui, sous la dictature, ont fait bouger les lignes. Vous êtes resté dans ce milieu-là, vous l'avez continué, en l'occurrence, Luis Miguel Sintra. Ah oui, moi je suis tout à fait fidèle à ces principes-là. Et on a une vraie foule d'admirateurs et de spectateurs fidèles dans les gens plus âgés. Et maintenant, je parle de maintenant, on est toujours au même endroit. La troupe a 40 ans, mais d'activité permanente. Mmh. Et donc, beaucoup de gens nous admirent beaucoup et nous suivent. Mais avec un grand regret, c'est parce que c'est pas. J'aurais jamais. D'ailleurs, j'ai refusé ce poste plusieurs fois. Je voulais pas être directeur de théâtre national. Ouais. Je voulais avoir des conditions de travail parce que nous, on a inventé un lieu où on pouvait, qui était fait construit à notre façon, mmh. où on pouvait travailler comme on voulait, tout ça. Et donc, on aurait eu le droit d'être plus appuyé par l'État. Mais c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays avec des gens de ma génération, un peu plus âgés, c'est qu'ils ont eu à leur disposition tous les moyens. Enfin. Mais est-ce qu'on a l'impression, quand on vous entend, que ça n'était pas qu'un projet esthétique que vous vouliez défendre, en l'occurrence, Luis Miguel Sintra, avec votre troupe, avec le théâtre de Cornucopia, quand vous vous êtes installé au théâtre du Bairro Alto, je crois. C'était aussi un choix de vie, d'une certaine façon. Vous étiez engagé dans autre chose qu'un simple projet esthétique. Évidemment. Donc, maintenant, quand j'arrive à 65 ans. Je sens que toute ma vie a été à le même parcours. Donc, je sens la même déception personnelle, comme si c'était ma vie à moi. Ça a été ma vie à moi. Donc, j'ai senti d'une façon, moi personnellement et d'autres, pour d'autres gens, d'une façon très, très personnelle, les choses qui se sont passées dans le plan politique. C'est pas facile, parfois, parce que les gens ont changé. On retrouve maintenant comme des alliés les gens qu'on a considérés comme nos ennemis. Et oui, c'est la vie, ça. C'est terrible. Et quand même, quand je vois ce que la politique est devenue, certains des politiciens de droite, qu'on a considérés de droite et qu'on a essayé de combattre, sont des gens qui sont les derniers politiciens qui ont une idéologie. Mmh. Du moins, ça. Vous donc, regrettez ces années, justement, où l'idéologie était maîtresse de vie, d'une certaine absolument, façon. Absolument, absolument. Nous ne sommes pas des machines d'argent ni des bêtes. Donc, il faut continuer à penser, quand même. Mais en même temps, comment faisiez-vous, Luis Miguel Sintra, pour être à la fois au cœur de votre compagnie? Vous êtes le moteur de cette compagnie avec d'autres, mais tout de même celui qui incarnait la tradition de ce théâtre que vous avez créé à la veille de la Révolution des œillets. Et puis en même temps, d'être dans le cinéma, et en particulier le cinéma de Manuel de Oliveira, une sorte de porte-drapeau d'un certain cinéma portugais. Ah, je suis très fier de ça. Parce que, au fond, ce que je racontais qui a commencé à l'université a commencé avec un rapport très fort avec les gens du cinéma aussi, à cette époque-là, mm-hmm. avec Paulo Roche, mm-hmm. avec Jean-César Monteiro. Ah oui, Monteiro. C'était des gens qui allaient dans le même café, qui parlaient avec nous, etc. J'ai fait mon premier film avec Jean-César quand j'étais à l'université, ouais. et je n'avais rien fait avant. Maintenant, quand je regarde ça. Quand je pense aux conditions de travail, on a payé la pellicule à Jean César. Et après, il a eu une petite subvention de la Gulbenkian. Il est parti avec la subvention et nous, on n'a rien reçu parce qu'on voulait faire le film. Mais j'ai fait cette bêtise dont je me repentirai toujours, c'est que j'ai dit non à Manuel d'Oliveira pour la première fois qu'il m'a invité. Pour Benilde. Mm. Benilde est un film magnifique d'Oliveira. Mais il en a fait d'autres avec vous, tout de même, des films magnifiques. Oui, mais ce sont des gens extraordinaires. Alors, un metteur en scène à qui j'ai dit non avec 20 et quelques années, un type génial, je lui dis non parce que maintenant je suis occupé et je n'ai pas envie de faire une pièce catholique. Et deux ou trois années, ou quatre ou cinq, je ne me souviens plus, mais très peu de temps après, il ne me renvoie pas du tout dans sa liste d'acteurs. Au contraire, il m'appelle pour jouer Rodrigue du Soulier de Satin. Eh oui. Et, j'ai, et, Et avec une émotion, d'une générosité incroyable par rapport à moi. Les comédiens français arrivaient pour jouer toutes les autres scènes, les comédiens qui jouent avec Rodrigue, mais Rodrigue est presque dans tout le texte. Et ils se demandaient, mais qui est ce type qui joue le rôle principal? Et moi, j'étais complètement inconscient de ce que j'étais en train de faire, parce que c'était un texte d'une responsabilité, d'une difficulté Mais incroyable. est-ce qu'au bout du compte, vous n'avez pas gardé de Manuel de Oliveira, dont je crois savoir qu'il est en train de préparer un nouveau film Il y a à deux jours, 105 ans? il y a 2 jours, j'étais avec, j'ai tourné avec lui, et moi et plusieurs autres gens. Quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai revu Renato Bertal, le directeur de photo que j'ai rencontré dans beaucoup de films, Henri Maïkoff dans le son, la même script, Valérie Loiseleux, la monteuse, d'autres acteurs, Diogo Doria, Mario Rose, etc. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'éternité. Eh oui, En plus, moi 105 ans, j'étais. 105 ans pour Manuel de Oliveira, c'est ça. Oui, moi j'étais habillé en camoïche. Il y avait son petit-fils qui a joué dans beaucoup de films, qui était habillé en Don Quixote, avec des personnages de fiction, des personnages vrais, l'équipe qui se réunissait autour de lui. C'était une chose qui m'a ému d'une façon incroyable. Ben oui, parce que c'est aussi l'espoir de continuer à fabriquer, de continuer à faire pour ne pas tomber dans le C'est qu'on est quand désespoir même déçu. assez pur. Quand même, on croit l'amour pour les choses et pour les autres. Et on n'est pas tous des corrompus. Merci de cette leçon formidable, Luis Miguel Sintra. J'étais très heureux de vous avoir pour cette émission d'ouverture de la Fabrique de l'Histoire consacrée au 40e anniversaire de la Révolution des œillets. On a bien compris à la fois votre amertume parfois, votre désespoir devant ce qu'a été devenu justement cette révolution et peut-être aussi devant l'état du pays qui est le vôtre. Mais en tout cas, merci de nous avoir rafraîchi de si belle façon notre mémoire sur ce qu'était le Portugal des années 60 et 70. C'est moi qui vous remercie, évidemment. Et nous remercions évidemment les studios de la radio-télévision portugaise qui vous ont accueillis à Lisbonne. Merci, à une prochaine fois, j'espère, Luis Miguel Sintra. Au revoir, merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vena Bolivier et Aurélie Marcet. Jean-Michel Bernaud était à la technique à Paris et nous remercions les techniciens de la radio-télévision portugaise à Lisbonne. Anne Fleury était à la réalisation. Nous continuons demain cette semaine consacrée au 40e anniversaire de la Révolution des œillets avec un documentaire signé Elsa Cornevin et Anne Fleury, une prise de son de Georges Thaud, donc enregistrée à Lisbonne autour de ces capitaines d'avril qui firent tomber le régime créé par Salazar.